Bonjour à tous pour ce nouveau Speedcast, ici c'est Ryodoka. Aujourd'hui je suis accompagné de Yota. Salut Yota. Salut à tous. Et aujourd'hui on reçoit la personne qui a réorchestré toute la musique d'Ulysse 31, David Collin. Salut. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Alors David, est-ce que tu pourrais te présenter à quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle David Collin, je suis musicien. Dans la vie de tous les jours, je suis professeur de musique au collège. Et voilà, moi j'aime composer, j'aime arranger les musiques et tout ça. Et je me suis pris un peu au jeu et de passion pour réorchestrer les musiques d'Ulysse 31. Et donc là, je viens de terminer un double album en CD et bientôt vinyle maintenant, là, qui est en préparation finale. Sur ces musiques, voilà. Comment tu as connu Ulysse 31? Alors, j'ai connu Ulysse 31 un peu comme beaucoup de ma génération, tout simplement sur FR3, tous les soirs par tranche de 5 minutes, la toute première diffusion, en 81. Oui. Voilà, et puis avec la fameuse rediff en fin de semaine de l'épisode complet, que j'ai découvert. Voilà, donc le dessin animé et puis évidemment les musiques, les superbes musiques. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir réorchestrer toute la musique d'Ulysse 31, du coup? Alors en fait, c'était pas tout à fait le projet de départ. Hein. Au départ, je voulais juste me faire plaisir en reprenant les thèmes que j'aime bien. Mm-hmm. Voilà, et puis c'était plutôt un essai en fait. Hein. Sachant en plus que la BO était pas disponible à cette époque-là, donc voilà, c'était une tentative et puis je me suis un peu fait au jeu, j'ai continué. Ça date de quand tu as commencé vraiment à jouer des morceaux de Ulysse 31? Alors j'ai démarré les premiers enregistrements en juin 2007. D'accord. Pas avant, c'est vraiment 2007. Pas avant, j'y ai pensé longtemps avant. J'ai commencé à penser ça au milieu des années 90. Ah oui, quand même. Peut-être en 96, dans ces années-là. Et puis, c'est resté un peu de côté, quoi. Puis à l'époque, j'avais absolument rien pour enregistrer, j'avais même pas d'ordinateur. Enfin, j'étais pas du tout à la page côté enregistrement. Ça, c'est venu après. Jeune ado. Oui, en fait, j'étais à la fac, non pas jeune ado vraiment, mais j'étais déjà à la fac, en fac de musicologie, et puis j'étais en train de faire mes premières armes dans les études d'harmonie, de solfège et tout ça, quoi. Et puis je travaillais beaucoup la guitare à cette époque-là, donc j'avais pas de sous, j'étais pas beaucoup équipé, j'avais une guitare, un ampli, et puis une guitare classique, donc pas grand-chose pour composer, en fait. Oui, petit à petit, voilà, j'ai commencé à monter mon premier groupe, on a commencé un petit peu à s'équiper, et puis j'ai acheté mes 4 pistes à cassette en 97-98 pour faire des petites maquettes, voilà, et puis ça a évolué vraiment très très lentement. Parce que le matériel, ça coûte cher aussi, hein. En musique, ouais. Ça coûte très très cher. Oui, bah oui, si on veut faire les choses bien, du matériel de qualité, et puis il en faut beaucoup, quoi. C'est souvent, c'est pas une seule machine, on fait pas tout avec un truc, il faut plusieurs éléments, enfin, plein de machines dans le processus de création, de l'interprétation jusqu'à la fin du mixage, il y a plein de machines, quoi. Et c'est quoi tes thèmes, voire ton thème préféré dans la série Ulysse, du coup? Tu as commencé avec, peut-être, moi je joue avec. Oui, c'est oui. Le tout premier, c'est donc le Cyclope et les Moines aveugles. Mm-hmm. J'ai commencé par celui. Parce qu'en fait, je venais d'acheter mon VST, en fait, hein, vous savez, les plugs là qui permettent de reproduire les orchestres symphoniques, c'est des banques de sons, en fait. D'accord. Oui. Et je venais d'avoir ça, je venais de l'acheter, en fait. Un peu pour tester justement cette première reprise. Donc j'ai commencé par celui-ci, et puis c'est vraiment un des plus marquants, moi je trouve. Il a une certaine puissance dans le morceau. Ouais. Oui. Et puis le deuxième tout de suite après, Ulysse Terrace aussi, bien sûr. Je l'ai attaqué en juillet 2007, donc un mois après le premier. Voilà, c'est vraiment les deux premiers sur lesquels j'ai travaillé au tout début du projet. Et deux grands morceaux. Oui, deux très grands morceaux. Les plus emblématiques, j'ai envie de dire, avec peut-être même l'attaque des tridents, qui est aussi très emblématique pour la série. Bon, après ça, c'est plutôt mon avis à moi. Mais c'est vrai que ces deux morceaux-là sont exceptionnels. Et une petite question qui me taraude, c'est, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais pourquoi tu as créé ton propre label Parallax? Alors Parallax, c'est pas vraiment un label, c'est pas un label, c'est plutôt un pseudonyme de groupe en fait. Hein. D'accord. Parce qu'il y a eu à une époque un groupe qu'on avait appelé Parallax avec les copains à la fac. Ça remonte en 2002-2003 à peu près. Et puis c'est moi qui avais trouvé ce nom-là. Je trouvais ça bien, ça faisait un peu, je trouve un peu science-fiction, je sais pas. Enfin bon, ça me plaisait bien quoi. Et puis après voilà, les copains sont partis après la fac, chacun continue sa vie professionnelle quoi, et puis du coup j'ai déposé le nom, et puis je me suis dit que je l'utiliserai de toute façon à l'avenir, je comptais le garder, donc. D'accord. Donc voilà, ça s'appelle Parallax, c'est la raison là, c'est un des noms de groupe qu'on avait créé à l'époque avec les copains. Plus un pseudo de scène au final quelque part qu'un label. Ah oui, c'est pas un label. Hein. Non, ouais. C'est un nom de groupe finalement. Oui, voilà. Et comme dans l'album d'Ulysse, là, il y a eu quelques intervenants extérieurs au niveau des musiciens. Je trouve que ça représente un peu justement cette musique de groupe. C'est fait plus ensemble que album de David Colin. Oui. Ouais. Même si mon application est tellement, enfin le. J'ai fait beaucoup de choses, mais voilà, je trouve que il y a quand même cet esprit de groupe, même au niveau de la musique, c'est orchestre, c'est rock, et c'est plus de la musique de groupe que de la musique oui. Soliste. Pour rappeler qu'il n'y a pas que des morceaux par VST, il y a aussi des personnes qui sont venues jouer avec des instruments originaux, des véritables instruments, la flûte traversière pour certains thèmes. Ça rejoint la question que j'allais dire, juste demander après si tu avais eu besoin d'aide pour orchestrer, et du coup, oui. Bah en fait, oui. Alors tout ce qui est tout ce qui est son d'orchestre pur, où il faut du nombre, comme des cordes, des cuivres, là j'ai pas eu le choix, évidemment. Parce que j'ai tout fait dans une pièce de je sais pas, peut-être 15 mètres carrés, encore même pas. Donc voilà, ouais. C'est tout seul. Faire référence au making of qu'on trouve sur YouTube. Voilà, ouais, ça c'est une pièce musique, c'est mon studio, quoi. Donc là, évidemment, pas question d'accueillir des dizaines de musiciens en même temps. Je suis pas équipé pour ça, hein, j'ai pas beaucoup de micro. Voilà, donc à part les sons d'orchestre, effectivement, tout ce que j'ai pu faire et tout ce qu'on a pu enregistrer avec les autres en réel, on l'a fait autant que possible, quoi. Donc tous les instruments solistes déjà, enfin, quand je dis tous les instruments solistes, et flûte traversière et trompette, donc Cécile Bernard, flûte traversière, Paul Végère à la trompette, mon ami Christophe Nadeau, claviériste aussi, il a participé, il m'a aidé à retrouver des sons parfois, c'est vraiment son boulot, enfin il est claviériste, donc niveau technique il est meilleur que moi déjà, tout ce qui est solo, comme le solo dans l'attaque des tridents, par exemple, c'est lui. Et puis, il y a quelques sons dont il m'a aidé, il m'a aidé à refaire certains sons, qui sont pas forcément évidents non plus, et j'avais pas forcément les bonnes pistes, pour les retrouver. Voilà. Et puis, il y a eu Yannick Rowe aussi, qui m'a aidé sur deux morceaux. Donc lui, il m'a carrément filé, ce qu'il avait fait sur deux titres. Donc, Trafic dans l'espace, que j'ai remis quasiment tel quel dans l'album. C'était vraiment très très bon. J'ai quasiment rien retouché, à peine à peine rajouté un peu de réverb ici ou là, mais c'était vraiment très très bien. Et puis l'autre thème, voilà, les sirènes, que j'ai retravaillé un peu, j'ai rajouté de la voix, j'ai refait la basse, et puis des effets, j'ai rajouté des effets de réverb, d'écho et tout ça. Mais sinon c'était très bien aussi. Voilà, puis pour le reste, je me suis armé de patience pour réinterpréter chaque piste, chaque instrument, autant que je pouvais le faire, quoi. Donc évidemment, il y a parfois des pistes MIDI, même si c'est des instruments vintage. Le Prophet 5, j'ai pas toujours tout joué. Il y a aussi des séquences, si vous voulez, mais des séquences jouées quand même sur des instruments originaux, quoi. Oui, bien sûr. Et voilà. T'as fallu beaucoup de temps pour réorchestrer tous ces morceaux, parce que c'est quand même un travail monumental. Alors, tu vois, j'ai démarré donc en 2007, mi-2007, les premières démos, en fait, la première salve d'enregistrement, jusqu'en fin d'année 2007. J'en ai refait encore quelques autres en 2008, jusqu'en été 2008. Ensuite, j'ai fait une petite pause, j'ai refait le studio, j'ai racheté des instruments, j'ai modifié plein de trucs pour améliorer la qualité d'ensemble, puis refaire un petit peu tout ça, quoi. C'est à ce moment-là que ça s'est devenu un peu plus pro, avec l'officialisation, sous contrat et tout ça. Donc après, on est aux alentours de 2010-2011, et là je remets le nez vraiment dans les enregistrements, les DVD, hein, enfin je me remets au travail de repiquage, de recherche sonore, puis petit à petit je réinterprète chacun des morceaux, alors les uns après les autres. Ce qui fait que ça a été long aussi, c'est que j'arrive pas à travailler sur plusieurs titres en même temps. Je travaille donc un titre à la fois et voilà, je commence par la batterie en général, hein, je fais les sections rythmiques, basse batterie, après guitare électrique, et puis après je rajoute un peu ce qu'il y a par-dessus, si c'est orchestre ou synthé. Mais tant que j'ai pas fini le morceau sur lequel je travaille, je passe pas à un autre. Et alors le truc, c'est que parfois, évidemment, on bloque sur un son, on bloque sur le repiquage, c'est pas ça, ou il manque un truc. Et du coup, je suis obligé de prendre un peu de recul. Donc, il m'est arrivé parfois de poser un peu l'enregistrement et de revenir dessus une semaine après, où là, tout s'éclaire d'une manière un peu différente, où je trouve la solution de ce qui m'a bloqué auparavant. Et là, j'avance. Donc, c'est vraiment, j'ai pris le temps qu'il fallait pour faire les choses de manière le plus aboutie possible, quoi. Tu as réécrit une partie des morceaux ou tu as juste repris les partitions d'origine? Il n'y a pas de partition déjà à l'origine, c'est vraiment du travail de réécoute et de repiquage à l'oreille. Ouais. D'accord. Donc au départ, oui, je commençais à relever un peu sur papier tout ça, mais c'est tellement plus simple de faire au fur et à mesure dans Cubase sur une piste MIDI, donc tout est noté si vous voulez, mais c'est plus sur des pistes MIDI que réellement sur papier. J'ai pas tapé ça sur un éditeur de partition. D'accord. Si pour l'imprimer, de l'imprimer après, donc ça peut se faire, mais après c'est un autre travail, quoi. C'est un travail de transcription avec le bon langage de notation, note musicale, quoi, avec les nuances et tout, enfin tout retranscrire dans un but que ça soit lu par d'autres après. Ça a pas été la démarche. La démarche, d'accord, ça a vraiment été travailler pour l'enregistrement directement, donc je refaisais les mélodies et tout ça dans les pistes MIDI pour tout de suite y assigner la batterie ou les cordes ou dès qu'il y avait besoin pour que ça sonne tout de suite, quoi. C'était pas trop dur de garder l'âme des morceaux d'origine dans cette nouvelle version? Disons que c'est pourquoi j'ai investi dans les synthés, en fait, hein, dans tout ce qui est à peu près des années 80, c'était le but, quoi. À partir du moment où c'est devenu plus pro, et même au départ, c'est ce que je souhaitais, mais au départ, j'avais pas forcément l'argent qu'il fallait pour tout lancer dès le départ, quoi. D'accord. Oui, donc après, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir développer le studio et puis, justement, miser vraiment sur cette âme, sur l'âme d'origine des musiques, pour vraiment rester dans l'esprit, quoi. Mais oui, qui apportait beaucoup de choses de plus, quand même. Sinon, c'était, tu pouvais plus vraiment refaire la même chose, puisqu'un CD original est sorti, tu refaisais sinon la même chose qui était déjà sortie. Alors, c'est ça. Tu apportais quand même de la stéréo, quand même, tu sais, du son avec des volumes sonores vraiment différents, mais c'est difficile, hein, de passer à notre cap. C'est ça, en fait, c'était un peu compliqué, surtout au départ, quand on sait pas trop où on va, parce que c'était un peu ça, hein. Au départ, le but, il n'y avait pas de musique, Bis 31, sur CD, c'était tout ça, bon, on va pouvoir refaire, le but, c'était quand même de coller au plus près, un peu comme faisait Yannick Roux sur la musique des Cités d'Or, d'ailleurs, mais au départ, j'avais pas forcément les instruments adaptés, j'étais pas assez équipé, donc, ça sonnait forcément autrement. Et après, j'ai acheté des instruments pour essayer de coller un peu plus et tout ça. Et puis, à ce moment-là est venue justement la vraie BO en CD. CD justement qui est sorti en 2013. Ouais. Oui. Donc, effectivement, là, il faut se positionner par rapport à ça. Ça donne à réfléchir aussi. Et puis, j'ai finalement trouvé que c'était pas si mal, quoi, de se positionner un peu entre les deux, de garder quand même bon nombre d'éléments originaux, les sons, et puis pas trop s'écarter des arrangements, mais quand même faire sonner un petit peu la chose un peu plus moderne, et puis apporter quelque chose en plus, plutôt que de sortir un disque qui colle à l'identique, et finalement... pas trop d'intérêt une fois que la BO est sortie. C'est... Oui, au final, les morceaux, j'ai eu l'impression personnellement qu'ils étaient un poil plus rock. Ah bah oui. Ce qui n'est pas forcément pour me déplaire, mais bon. Après, il n'y a plus d'intérêt à recopier à l'identique. Oui. Si ce n'est, pour faire plaisir, pour se dire je l'ai fait, mais c'est bien. Mais après, c'est risqué de faire un disque qui ne se vendra pas, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà, puis autant se faire plaisir et puis apporter une petite part de création. Moi j'aime ça, donc voilà. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt, ouais, d'apporter un plus et puis d'apporter sa vision d'artiste sur une œuvre précise, quoi. Et il faut dire aussi que tu as créé des morceaux originaux qui se trouvent sur le disque numéro 2 en CD pour l'instant. Ouais. Tu as créé des variations, pas forcément des variations, des créations plutôt. Il n'y a pas que des variations. Avec des morceaux, ouais. Comme le vaisseau IEPX 27, hein, si je ne me trompe pas de nom. Ouais. Alors, sur le CD, ça s'appelle Dimension D. C'est la partie 2, en fait. Oui, voilà. Le vaisseau IEPX 27. Et oui, il y a deux compositions. Ça, c'est une composition, entièrement inspirée d'ailleurs par la partie précédente, hein. C'est comme si c'était une suite finalement de ce qui a été créé auparavant. Il y en a un autre aussi, c'est Nouveau Danger, ouais. qui s'inspire partiellement de Willis Terrastocy Club, mais en allant plus loin dans le côté rock de l'attaque des Tridents par exemple. Donc, c'est assez rigolo. Et en fait, c'est un peu un thème hybride qui s'inspire de l'histoire de Cyclope et de l'aube d'un nouveau jour. D'accord. En mineur. Et du coup, j'ai changé des notes évidemment, mais il y a deux trois notes quand même qui rappellent un petit peu le début des thèmes. Le riff rappelle un peu l'histoire de Cyclope, même s'il s'en éloigne très vite. Et donc c'est vraiment dans la continuité, comme si c'était une compo de plus, quoi, finalement, qui aurait pu figurer dans la BO, ou qui pourrait figurer si le dessin animé avait continué aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les ayants droit de cette refonte, au final? Alors, j'ai pas encore de retour sur le CD terminé, parce que là, justement, là, je je me prépare à envoyer ça à Denis Crockett et à Eric Egan. Donc ils n'ont pas encore reçu le disque. Mais à l'époque, déjà, ils avaient bien accueilli les démos en 2007. On avait eu l'occasion d'échanger par email avec Denis Crockett et il m'avait fait part de son enthousiasme vis-à-vis de ses morceaux. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et c'est motivant, quoi, de voir que ce que je peux faire, ça a été apprécié par les auteurs. C'est chouette, quoi, vraiment. C'est très touchant. D'accord. Okay. Il y a une bonne base aussi de fans qui te suivent, hein, faut le dire. Ouais. Sur ton projet, donc c'est aussi motivant d'avoir autant de gens derrière qui suivent ton projet, j'imagine. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, y a beaucoup de monde qui suit sur Facebook. C'est assez incroyable. Ouais. Je suis vraiment heureux de voir que beaucoup ont été très séduits par le projet, quoi, finalement. Parce que j'ai pas, contrairement à ce que certains ont dit, j'ai pas fait de pub là-dessus, à part Facebook. Voilà, j'ai pas sur mon site, je fais très peu de mises à jour finalement, et il va falloir vraiment que je m'y mette. Mais c'est vrai qu'à part Facebook et de temps en temps, je suis pas très très présent, pas si présent que ça sur les réseaux sociaux. Donc, non, c'est super. Ce qui a pu, je pense, peut-être t'aider, c'est le fait que tu as commencé il y a longtemps et que les gens t'ont suivi tout ce temps. Donc même si entre-temps, il y a un CD original qui est sorti, il y a les gens qui ont vu ton travail, qui étaient de longue haleine et qui te supportent parce que tu as fait un vrai travail de fan. C'est là la différence avec juste un produit qu'on sort aujourd'hui direct et qui peut ne pas fonctionner parce qu'il n'y a pas eu de réel travail dessus au final. Voilà, ou pas de vrai suivi sur du long terme, on voit pas ce travail-là. Mmh. Nous, on l'a vu. Oui, bah oui. Je sais que vous êtes là depuis longtemps aussi. Ça fait un moment et c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est sur la durée en fait que la fan base s'est enrichie, quoi. C'est vrai. Depuis 2007, donc presque 10 ans, ça s'est fait tout seul, quoi. Eric Leca, je crois que tu allais poser la question sur le collector, donc ça tombe bien, parce qu'il y a eu des... Oui, voilà, justement. Beaucoup d'évolution. On me prend de court. Ouais, je suis désolé. Pour ça, je te fais rebondir, je t'en prie. Du coup, est-ce que tu pourrais décrire le collector qui va, donc, on espère prochainement sortir? Alors, le collector, il va y avoir beaucoup d'articles dans le coffret fabriqué. D'ailleurs, je suis en plein dans les devis en ce moment. Donc le gros coffret, donc le truc optime, comment on dit déjà, ultime, le pack ultime. Donc c'est des digipacks qui lui est déjà prêt, deux disques, le vinyle, deux disques également avec pochette ouvrante. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien les vinyles. Ça manque. Pas la version Star Wars. Non, ça c'est, j'ai même pas cherché. Hein. Non, par contre, les disques sont très beaux, ils sont transparents. La pochette ouvrante est sous pochette, c'est-à-dire c'est les pochettes dans lesquelles on met les disques qui elles-mêmes s'enfileront dans la pochette ouvrante. Voilà, tout ça sera imprimé. Les vinyles seront 180 grammes, donc vraiment une belle épaisseur solide, la qualité, quoi, vraiment. Ça c'est bien ça. Voilà, ça fait un bel objet. Voilà, il y a aussi le digital download là, qui est presque prêt maintenant. Donc la version téléchargeable de l'album, je veux dire, en HD, qui va être disponible à travers des codes imprimés sur des cartes. D'accord. Voilà, donc ça, je vais pouvoir les diffuser très très bientôt. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? 9 encarts, c'est ce que j'appelle des encarts, c'est des mini posters 30x30 qui logeront dans le coffret. Il y en a 9, donc qui sont issus des illustrations produites par Jérôme Alquier et Benjamin Carré. Oui, donc voilà, belles illustrations. Voilà, j'ai fait un super boulot là-dessus. Et après il y a tous les objets bonus donc de la campagne Ulule qui viennent se rajouter. Donc un artbook, donc un livre avec couverture rigide, dans lequel on retrouvera toutes les illustrations en grand format, avec les versions intermédiaires, provisoires, ce qui a servi de recherche, et quelques transcriptions de partitions, quelque chose comme ça, des réglages son, des photos du studio, des musiciens pendant les enregistrements, tout ça. J'ai fait une petite collecte un petit peu de tous les souvenirs que j'ai pu faire durant mon travail, quoi. Donc ça sera regroupé dans l'artbook. Après, il y aura en plus donc encore le 45 tours de l'attaque des tridents, 45 tours transparents, le CD single 4 titres de l'attaque des tridents avec 3 versions différentes d'autres titres de l'album. Voilà, et puis c'est tout, je crois. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, ouais, ouais. c'est moi je trouve que c'est énorme. Ça c'est pour le coffret. Après il y a eu des versions encore au-dessus spéciales sur Ulule, mais avec un tirage beaucoup plus limité. Donc, je vais pas en parler ici, mais le coffret qui sera tiré en grande quantité, je veux dire 500, 600 exemplaires, en fait. Ce sera tout ce que je viens d'énumérer. D'accord. Voilà, à l'instant. Et on pourra les acheter où, du coup, ces coffrets? Alors, il devrait pas en rester beaucoup, en fait, puisque tout a déjà été commandé, soit sur Parallax, à l'époque des précommandes, soit sur Ulule, pour la campagne qui vient de se terminer. Donc, étant donné les tarifs, quoi, les conditions auquel je suis soumis là au niveau des devis et tout ça, je pourrais pas en faire beaucoup plus, donc je fais limitée, quoi. Voilà, ça va être une édition limitée. Il y aura peut-être 100 coffrets en rap, quoi, mais faudra pas trop attendre. D'accord. On va acheter. De toute façon, j'indiquerai tout ça sur le site et puis sur Facebook, mais voilà, il y aura peut-être 50 à 100 coffrets en plus que ce qui a été commandé, pour qu'il y en ait un petit peu plus. Mais je pense pas pouvoir en faire davantage. Vous avez compris les raisons financières. Chers éditeurs, vous avez très bien compris, il faut se jeter dessus. Hein. Donc, il faut suivre la page Facebook et puis attendre avec impatience que les CD sortent et vous jeter dessus, parce que c'est un bel objet à mon avis. Voilà. Alors le CD, lui, voilà, je voulais finir là-dessus parce qu'il est, c'est vrai qu'il est fabriqué, il est déjà, il est prêt. Mmh. Donc là, j'ai pas encore ouvert les commandes sur le site. J'ai pas lancé encore sur Amazon non plus, mais j'ai prévu de le faire. Mais tout simplement parce que là, je suis complètement débordé par tout ce qu'il y a à faire sur la préparation, concernant la fabrication des objets et tout ça. Et j'ai absolument pas le temps. C'est la dernière ligne au final. Ouais. Actuellement, pour gérer des nouvelles commandes, là, c'est impossible. Quoi. Donc j'attends un petit peu, mais ça va venir. Oui, voilà, un peu de patience, tout simplement. Le CD sera trouvable sans trop de problèmes. Et dans un avenir proche, où tu penses participer à des festivals ou alors il y aura Japanimation. Il y aura Japan Tour en février, déjà fin février à Tours. Voilà, d'où le nom. Après, je sais pas encore, on verra. J'ai pas encore réfléchi à tout ça. Là. Je suis vraiment encore le nez dans la prod. Ouais, c'est après. Voilà. Le vrai plaisir. En plus. Voilà. Quand j'aurai les coffrets à la maison, là, quand tout sera fini, que les commandes commenceront à partir, je pourrai réfléchir vraiment et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire au niveau des salons et tout ça. Et pour Japan Tour, déjà, c'est réservé, donc fin février, à Tours. Tu as prévu de t'attaquer à un autre projet après, ou c'est pas encore décidé? Bon, c'est pas encore décidé. Hein. Ouais. On va prendre le temps de bien finir Ulysse, et puis on va voir, il n'y a pas de gros projets. Il y aura quelques compos, quelques petites reprises comme ça, je pense, mais pour l'instant, je prévois pas plus. On va voir. D'accord. Il faut rappeler qu'il y a un album qui existe de David Collin sous le nom Parallax, Silver Ghost Project. Ah oui, c'est sous mon nom même. C'est... Oui, excuse-moi, oui. C'était pas encore Parallax. Mais c'était ouais. et qui est excellent, je le redis, je l'ai, je peux en parler. C'est un très très bon album à écouter, il est encore commandable, j'imagine. Hein, oui, il me reste encore. Voilà, reste. Donc, franchement, c'est à découvrir, c'est très très bien. C'est un vrai voyage dans l'espace, on va dire, comme ça. Et on voyage beaucoup avec une musique proche du Ulysse, enfin, pas proche, mais rock, voilà, en tout cas. Et je vous conseille de commander ce CD qui est pas cher en plus, je crois. Je me rappelle, c'était 10 euros, non? Ouais. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas vendu, mais je crois que c'était ça, ouais. C'était avec le dernier client. Voilà. Alors, c'est, pour en dire deux mots, ouais, c'est vrai que c'était mon premier album. Je l'ai produit entre 98 et 2002, donc c'est vrai que c'est sur celui-ci j'ai fait mes armes au niveau de l'enregistrement, au niveau des mixages et tout ça. Et voilà, je suis très heureux. Il est peut-être pas aussi beau, aussi au niveau du son, aussi abouti que celui du Vice 31, mais bon, ça va, j'en suis quand même très très heureux. C'était une très belle expérience. C'est du rock progressif instrumental, donc c'est vrai qu'il y a un mélange d'ambiance planante avec des riffs un peu plus rock aussi parfois. C'est du mélange. J'aime bien mélanger un peu les différentes ambiances, les styles et tout ça, quoi. Oui, parce que Ulysse 31 aussi, ce n'est que de l'instrumental. Ouais. Un petit mot pour la fin, peut-être? Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette émission, et puis, merci à toi, d'avoir bien voulu, répondre à nos questions. Et je vous en prie. Merci beaucoup. De nous avoir supportés. C'était très sympa, merci. Eh ben, je vous dis à bientôt pour un prochain Speakcast sur Radio Anime, bien sûr. Salut! Salut! Salut.